auditeurs, bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. C'est sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en direct le lundi soir de 8h à 10h et en rediffusion les dimanches matins et les mardis. Alors, aujourd'hui à l'émission, on aura Aliente d'Italie. Il y a quand même beaucoup de nouveautés et un petit retour dans le passé aussi. Alors, on a Aliente avec leur nouvel album Sul Confine qui vient de paraître. On a aussi Yogi Lang d'Allemagne, le chanteur, guitariste du groupe RPWL. On a IQ, un extrait encore de cet album très, très bon album Résistance qui vient de sortir. Je vous réserve le troisième bloc à une formation britannique là, qui est classique. Là, c'est The Moody Blues. Alors, j'ai fait un pot pourri de 6 chansons extraites de 4 albums des années 60. Et on aura en quatrième bloc Aldi Dallo Spadio d'Italie. On a Machine's Dream du Canada. En fait, c'est un groupe de Toronto. Et on va conclure avec une demande spéciale d'une auditrice de Bécancourt. On aura Flying Colors et je vous reviendrai là-dessus au début du quatrième bloc. Alors, Aliente, ça occupe le premier bloc de l'émission. C'est l'album de la semaine. C'est un groupe composé de 3 musiciens qui se fait accompagner d'une invitée qui est violoniste. Les 3 musiciens, il y en a 2 qui proviennent de la formation Ego Band. C'est un groupe qui a été actif aussi en Italie entre 1991 et 2016. Je ne sais pas si le groupe existe encore, mais les 2 musiciens, eux, qui proviennent de cette formation-là, ben c'est le bassiste et le batteur. En fait, c'est la section rythmique. Alors, Aliente, bien, c'est le deuxième album, je disais, il est paru il y a quelques semaines et il y avait eu auparavant, en 2017, le Formé Libéré, qui est un album qui a été très bien reçu. C'est un premier album avec une très bonne note sur Prog Archives. On parle de 4.16. Quand un premier album se classe en haut de 4 sur 5 pour Prog Archives, là, c'est quelque chose d'assez solide, on peut s'y fier. Alors, le deuxième album, il y a déjà quand même aussi une belle cote de 4.4 sur 5. Alors, ça confirme le talent de ces musiciens-là. Et on va y aller tout de suite, dans le fond. Moi, je vous propose 3 pièces extraites de l'album qui en comporte 7, je crois. Je vais faire une petite vérification. Non, il y en a 8 pièces. Alors, je t'en propose 3. L'album, il y a 48 minutes. Moi, je vous en fais entendre presque la moitié. Alors, on ira avec Signo Nero, Viaggio nel Vento et on va conclure avec Mezzada. Alors, on s'en va tout de suite avec Aliente. Thank you. Thank you. Thank you. Alors, c'était la formation italienne Aliente et trois extraits de l'album le plus récent. C'est l'album s'intitule Sul Confine. Après la pause, Yogi Lang d'Allemagne et IQ d'Angleterre. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va aller du côté de l'Allemagne avec Yogi Lang. Au début de l'émission, j'ai mentionné qu'il était le guitariste de RPWL, la formation allemande, mais c'est une erreur, c'est le claviériste. Alors, Yogi Lang vient de produire son deuxième album studio, A Way Out of Here. Ça, c'est suite à l'autre album, quand même, il y a 9 ans qui sépare les deux. Son premier album, No Decoder, avait quand même séduit les amateurs. Alors, A Way Out of Here est composé de... En fait, il y a un CD et un DVD. Alors, l'album, lui, contient 9 pièces. On parle d'à peu près 50 minutes de bonne musique. Et on va aller tout de suite après avec IQ. IQ qui a été, qui a fait partie du premier bloc de l'émission comme l'album de la semaine, il y a 2 semaines. Et on va étonner qu'il y a 3 quand même. Il y a trois vinyles qui font partie de cet album-là. Et je vous en propose un autre extrait quand même d'une vingtaine de minutes. Là, ça s'appelle Fallout. Alors, on débute avec Yogi Lang. Mmh.

from sight unbowed, while the signs inhabit the clouds, drove the highway a thousand miles, and I caught a glimpse. That stolen moment from the distance, no other shade of influence. Will I invite till I am seen again? Alors, c'était la formation britannique IQ avec la pièce Fallout. Ça, c'est tiré de l'album Résistance, leur plus récent album. Et à mon avis, c'est un des albums de l'année. Là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça a été précédé de Yogi Lang d'Allemagne avec la pièce Early Morning Light tirée de A Way Out of Here. Ça, c'est son plus récent album. Alors, après la pause, de Moody Blues. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le bloc consacré à The Moody Blues, j'aimerais faire une petite mise au point en rapport avec l'infolettre hebdomadaire que j'envoie à une liste d'abonnés. Depuis quelques semaines, il y en a qui ne l'ont pas reçu. Et la raison, j'aimerais clarifier ici, c'est que le distributeur de courrier électronique Cogeco considère mes envois comme du pourriel. Alors, il bloque systématiquement tout ce que je sors en tout cas, en destination de mes abonnés. Alors, Cogeco les bloque et puis j'ai appelé la compagnie, puis ils me confirment qu'il n'y a rien à faire. C'est un algorithme qu'ils ont installé là, pour... répondre aux exigences de la loi. Alors, moi, pour rendre service à mes abonnés, j'ai migré vers Gmail. Alors, 90% de mes abonnés sont rejoints de avec cette nouvelle façon de faire, sauf les abonnés de Cogeco. Alors, encore une fois, les destinataires ne reçoivent pas mon infolettre parce que Cogeco considère que même le fait que j'ai changé d'origine de mes courriels, ils considèrent ça encore comme du spam. Alors, les abonnés de Cogeco qui désirent recevoir à nouveau la lettre hebdomadaire, l'infolettre hebdomadaire, je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones et de m'aviser en privé que vous souhaitez recevoir l'infolettre, mais ça va prendre une adresse courriel alternative. Alors, voici, c'est clarifié. Bon, le troisième bloc, ça remonte quand même à du prog, là, des origines. On parle des années 60 avec The Moody Blues. Ils ont plusieurs albums, mais disons que les 8 premiers sont, à mon avis, ce qui reflète le plus la nouveauté, ce qui démarquait The Moody Blues. Avec des compositions très, très, très mélodiques et aussi avec l'utilisation, leur marque de commerce, en fait, c'est l'utilisation du mélotron. Alors, depuis 1965, ils ont fait 16 albums studio Et moi, j'ai décidé de faire une sorte de pot-pourri qui regroupe 6 chansons extraites du 2e, 3e, 4e et 5e album, donc entre 67 et 69. Et les pièces, mais originent de Days of Future Past, In Search of the Lost Chord, On the Threshold of a Dream, To Our Children, Children's Children. Alors, tout de suite avec Moody Blues. Thank you.

such a rainy afternoon. No point in going anywhere. The sounds just drift across my room. I wish this feeling I could share. From her window, her mind tries to recall his face. The feeling deep inside her grows. Our reasons are the same, but there's no one we can blame, for there's no. Tomorrow be the same. I know that there is.

Alors, nous voici déjà rendus au dernier bloc de l'émission. Et pour ce faire, on a une demande spéciale qui nous vient d'une fidèle auditrice de Bécancour. J'ai nommé Julie Couette. Elle demande Flying Colors. C'est un groupe qui possède trois albums studio déjà. Le premier en 2012. Et d'ailleurs, c'est extrait de cet album-là, l'album homonyme, qu'on va présenter, la pièce Infinite Fire. Et Mme Couette est fidèle Mike Portnoy, si je me réfère aux demandes spéciales dans le passé. On a eu Sons of Apollo, entre autres. Et en tout cas, Flying Crawler, c'est un de mes bons groupes. Puis dans la semaine prochaine ou la semaine d'après, bien, on va faire aussi des extraits de leur dernier album, The Third Degree, qui vient tout juste de paraître. Mais avant la demande spéciale, on va entendre une formation italienne qui est un nouveau groupe, Aldi Dallo Spadio. Et l'album, c'est Quasar. On va entendre The Distance. Ce groupe-là, c'est des jeunes musiciens, mais entre autres, le guitariste de la formation Witchwood. Et puis, après, on va aller du côté de Toronto avec la formation Machine's Dream, qui ont sorti une compilation en 2019. La compilation s'intitule Revisionist History. Et la pièce, c'est My Ocean is Electric. Alors, on y va avec Aldi Dallo Spadio, puis on va finir avec Flying Colors. Yeah. della torta di un massimista qui a squarciare. Look for lights, but all are lost.

and sound come trickling down. Giants turn to rest, it's all going down. Back to the ground, still I can. C'était le groupe Flying Colors avec la pièce Infinite Fire. Ça, c'est tiré de l'album homonyme paru en 2012. Et ce fut une demande spéciale d'une fidèle auditrice de Bécancour, Julie Couette. Faut dire que ça déménage pas mal, puis c'est une bonne gymnastique pour les neurones. Moi, j'apprécie beaucoup ce genre de musique. Et c'est un petit peu la marque de commerce de l'émission de passer de Moody Blues à Flying Colors en dedans d'une demi-heure avec... sans douleur, en fait. Alors, merci à Julie pour ce choix très judicieux. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé l'émission et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle belle émission de rock progressif sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières.